Nouvelle 7, Gioventù. Dire qu'on a eu 20 ans, qu'on ne les a plus, qu'on ne les aura plus jamais. Nevermore, comme disait Edgar Poe, l'ancêtre américain de notre vieil ami Lucien Poe de Lapin, l'archéologue bien connu de la butte. Et à propos de l'archéologue bien connu de la butte, laissez-moi vous conter une anecdote qui vous donnera une idée de l'esprit de répartie de Lucien. Gandiot, souhaitant vivement offrir un cadeau à une jeune femme qu'il avait comblée de ses dernières faveurs, rencontre Poe de Lapin. « N'aurais-tu pas, dit le jeune et déjà célèbre dramaturge, quelques terres cuites ?»« Mon pauvre Léon, pour le moment je n'ai qu'une simple cuite. » Mais laissons là dramaturge et paléographe, et revenons à nos moutons. 20 ans, et je dis, oh oui, 20 ans. Je ne sais pas où vous demeuriez quand vous aviez 20 ans. Pour moi, j'habitais un délicieux petit rez-de-chaussée si au 5e étage d'une maison du boulevard Montparnasse, dont j'ai oublié le numéro, presque au coin de la rue Vavin. Tout près de ma demeure, les ménagères du quartier pouvaient se procurer leurs articles de nouveautés aux galeries Montparnasse. Je me suis toujours demandé pourquoi le fondateur de cette maison avait mis « galerie » au pluriel. Je ne sais même pas pourquoi il aurait mis « galerie » au singulier. Je n'en ai jamais su la cause, mais ce mot « galerie » a toujours eu le privilège de m'épater beaucoup, une galerie. Les galeries Montparnasse n'avaient de prodigieux que leur nom et leur patronne. Cette dernière, à l'heure qu'il est, en admettant qu'elle vive encore, ne doit plus être de la première fraîcheur, car à l'époque dont je parle, oh, mes 20 ans. Elle était déjà blette, pas énormément, mais un peu. Qu'importait? Ses grands yeux noirs, ses accroche-cœurs à l'espagnol, ses petites moustaches brunes avaient tout chaviré mon pauvre cœur, et je l'aimais, oh, je l'aimais. À 20 ans, j'étais un des garçons les plus bêtes de mon âge pour ce qui est des pourchats d'amour, à part ça, d'une intelligence remarquable. Jamais je n'osais déclarer ma flamme à Madame Galery. C'est ainsi que je l'appelais, dans l'ignorance de toute autre dénomination. Chaque matin, je la rencontrais qui faisait son marché. Je la saluais, d'un air que je m'efforçais de rendre indifférent. Elle me souriait très engageamment. Et je m'enfuyais, idiot, bah. Régulièrement, chaque jour, dans l'après-midi, j'entrais au magasin et je faisais l'emplette d'un petit mouchoir à 4 sous. Un solde de fin de saison qui ne s'épuisait jamais. Elle recevait mes 20 centimes avec un sourire qui me semblait un entrebâillement d'Éden, et je m'en allais rouge comme le dernier des coqs. Crécouillon bas. À part Madame Galery, le personnel du magasin se composait de Monsieur Galery, un homme entre deux âges, à l'apparence abrutie, dont la seule occupation était de culotter, sur le pas de sa porte, des pipes en écume de mer de toute beauté. Avec cela, 3 ou 4 petites calicotes, plutôt laides, et un calicot vague. Un jour, oh l'angoisseuse remembrance, ce calicot vague fut remplacé par un calicot joli comme une gravure de la Gazette des coiffeurs, frisé, pommadé, bichonné, immonde, quoi. Je vouais tout de suite à cet ignoble sous-commerçant une haine farouche. Mon instinct ne m'avait pas trompé. À partir du jour de l'entrée de cet individu dans le magasin, Madame Galery ne me sourit plus en faisant son marché. Elle reçut d'une main indifférente les 4 sous de mes mouchoirs. Oh, ces mouchoirs, je crois que j'en ai encore. Et moi, je regardais le bel âtre avec des regards de défi qui semblaient bien l'étonner. Ordinairement, je m'adressais, pour l'emplette de mes mouchoirs, à l'une des calicotes. Un jour, je m'adressais au bel âtre, dans l'idée de m'offrir sa tête. « Bonjour, monsieur, » fis-je, « je désirerais avoir un mouchoir de poche. »« Parfaitement, monsieur, un seul. »« Parbleu, je n'ai qu'un nez, je n'ai besoin que d'un mouchoir. »« En batiste ?»« Non, pas en batiste, c'est trop tranquille, la batiste. » L'imbécile ne comprit pas toute la subtilité de la plaisanterie. Finalement, je lui indiquai les fameux mouchoirs à 4 sous. « Quelle initiale, monsieur ?»« Je m'appelle Henri. »« Parfaitement. » Et il m'apporta un mouchoir avec un H dans le coin. « Pardon, monsieur, » repris-je, « vous êtes trompé, ça s'écrit par un A. »« Mais non, monsieur, c'est un H. »« Je vous dis que c'est un A, je sais bien moi, puisque c'est mon nom. »« Mais je vous assure, monsieur. »« Fichez-moi la paix et allez à l'école. » Je m'étais mis à crier tout haut. Impatienté, Le calicot commençait à gueuler quelque peu lui aussi. Le patron, attiré par le bruit, s'arracha pour un instant à son culottage et survint. « Qu'y a-t-il donc ?»« Il y a, m'écriai-je indigné, que votre imbécile de commis veut à toute force qu'Alphonse écrive par un H. Je sais bien, parbleu, qu'il y a un H dans Alphonse, mais pas au commencement du mot. Or, dites-moi si l'initiale du latin initium n'est pas la première lettre du mot. » Terrifié par mon impudent toupet, le pélâtre balbutiait de vagues explications. « Mais monsieur m'avait dit qu'il s'appelait Henri. »« Henri ? Est-ce que je m'appelle Henri, moi ? Est-ce que j'ai une tête à m'appeler Henri ? Pourquoi voulez-vous que je vous dise que je m'appelle Henri quand je m'appelle Alphonse ?» Mes raisons parurent si concluantes à monsieur Galerie que lui, ordinairement si tranquille, s'indigna. « Écrire Alphonse par un H, on n'est pas si bête que ça. Tenez, vous me dégoûtez. Vous vous en irez à la fin du mois. » Oh, triomphe! Ma petite plaisanterie avait réussi. Mon dangereux rival était balancé. À moi, madame Galerie. Il n'y a pas à dire. Il était beaucoup mieux que moi, ce bougre-là. D'ailleurs, je n'ai jamais posé pour le joli garçon. Les femmes m'ont tout aimé pour mon intelligence. La fin du mois arriva, et avec elle le départ du beau calicot. Mais c'est drôle, je ne voyais plus mon idole à la caisse. La crémière d'à côté me donna le mot de l'énigme. « Vous ne savez pas ce qui est arrivé aux galeries ?»« Non ?»« Eh bien, le patron a fichu son employé à la porte et... »« La patronne a filé avec ?»« Cette aventure me guérit à tout jamais des dames blettes. » À partir de ce moment, je ne confiais mon cœur qu'à de timides jouvencelles.